Dedesh est mort. C'était le petit griffon de mademoiselle, et nous l'aimons tous. Il connaissait l'art de se pelotonner n'importe où, et même sur une table, il semblait dormir au creux d'un lit. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable, et il ne caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue, finement. Il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien un rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grogner de la gorge, avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment, qu'à nos cris de joie, nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, mademoiselle lui disait « Si tu parlais donc un tout petit peu ?» Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien les gestes, il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement, et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner. Il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dedesh se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien, qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, happa cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta et s'enfuit. Ah, si mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre dans la gorge, le rouler et l'étouffer dans la poussière. Dedesh guérit de la blessure des crocs, mais il lui resta, aux reins, une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci. Et à peine rentré, il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble, et mademoiselle jetait son cri d'alarme monotone. « Une éponge, de l'eau, du soufre !» On se mettait en colère, on grondait Dedesh d'une voix terrible, et on le battait, avec des gestes violents qui ne le touchaient pas. Son regard fin nous répondait « Je sais bien, mais que faire ?» Il restait, gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait, comme s'il avait sur l'échine les dents du chien et du braconnier. Et puis, son odeur finissait par inspirer des mots aux amis les moins spirituels. Le cœur même de mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer Dedesh.